attend tout le temps la nuit. C'est là qu'il se passe. Ils ont filmé sa vie et diffusé sa vie. Ils en sont bien ravis. Tu finiras radis. Vanessa paradis dans écarter le paradis. Si c'est moi qui t'en parle, quand c'est moi, mets-moi tout dans le sac. Mets-moi tout dans le stock. Cam, c'est du toc, on a barré fort avec très peu d'efforts. Salope, c'est la guerre des idées. Vas-y, copie, vas-y, sus. Puis je me répète, j'ai le truc. La zone remplie de fils de pute. C'est la récrie, je suis ailleurs. Le mal dans un bouquet d'heure. Puis la proche, je fais ta corde à sauter comme ta petite soeur. Gade, fais-le si tu peux. Ring, ring, si tu veux. Prends du rap de paresseux. Moi, je fais du rap à pareil que. Grosse livraison pour le Vatican. Le jour du mardi gras. Mets le doigt sur ce qui te sert de merde. T'as capté, c'est ça. Mets le doigt sur ce qui te sert de merde. T'as capté, c'est bête. Mets le doigt sur ce qui te sert de merde. T'as capté, c'est ça. Mets le doigt sur ce qui te sert de merde. C'est eux qui te la mettent. Mets le doigt sur ce qui te sert de merde. Ramasse pas les miettes, hey. Elle est chelou, cette chance, je suis dans le jeu pour mettre dans le cul de cette guerre. Tous les jours, trop de terre, je suis focus, le beat toujours sectaire. Ah, la mina aimerait me plaire, mais s'il te plaît, bouge ma vue. Jamais je toucherai ta chatte, sa job, je jurerai sur ma vie. Toi, t'as pas d'honneur, aucune intégrité. Je veux pas vivre dans la misère, acheter des bœufs à dégriffer. C'est pas pour dénigrer, mais je peux aussi les crocs. Les 50 sont dans le mois, c'est une illusion, on a les crocs. Je sais te claquer, au falache, mets des claques. Dans mes honnêtes, tous les jours ça mange des pâtes. Y'a R à faire, je fais des prods, je fais des packs. Mais le Santorus là-bas est fait.